Grand Prix du Japon 2014. Lewis Hamilton vient de reprendre la tête du championnat du monde des pilotes et mène 3 points devant Nico Rosberg. Le pilote allemand a mené la majorité du championnat, mais il est à la peine depuis un clash en piste avec le Britannique en Belgique. Rosberg avait fièrement laissé planer le doute sur le fait qu'il avait volontairement percuté Hamilton, s'attirant la colère de son équipe. En deuxième ligne, Valtteri Bottas menait son coéquipier Felipe Massa pour les Williams-Mercedes et Fernando Alonso qualifiait une nouvelle fois sa Ferrari bien au-delà des espérances, battant son coéquipier Kimi Raikkonen de 8 dixièmes en Q3. Pourtant, l'Espagnol est au cœur d'une tourmente médiatique. Sébastien Vettel vient d'être officialisé chez Ferrari aux côtés du Finlandais. La Scuderia n'a pas adressé le moindre mot envers son double vice-champion du monde, Luca di Montezemolo, se contentant de lâcher que l'Espagnol pouvait aller où bon lui semble. Aucune place chez Mercedes ou Williams. Red Bull a vite pallié au départ de Vettel, annonçant la promotion de son junior Daniil Kvyat. Pourrait-il réellement retourner chez McLaren après son calamiteux passage de 2007 ? Voudrait-il réellement sauter dans la pire équipe du milieu de peloton, actuel 6e du championnat derrière Force India ? Et McLaren allait-il réellement se séparer du brillant Jenson Button ou de son protégé Kevin Magnussen après l'avoir si ardemment défendu ? Quelles options restaient-ils ? Après tout, Caterham venait d'annoncer que Kamui Kobayashi, pilote bénévole, prendrait bien part à son Grand Prix national, mais que sa place était en danger, offerte aux plus offrants, sans parler de leur incertitude d'être seulement sur la grille en 2015. Toro Rosso venait d'offrir sa première séance officielle à Max Verstappen, créant un scandale à l'idée de voir un gamin de 17 ans dans une Formule 1, et Sauber avait déjà contracté Guido van der Garde, et les rumeurs annonçaient Jules Bianchi, protégé Ferrari, pour l'épauler en échange d'un beau chèque. Ces rumeurs faisant sourire Adrien Sutil, qui affirme être déjà sous contrat pour 2015 avec l'équipe suisse. Toutes ces questions sont laissées en suspens suite à une polémique causée par les discussions de l'impact potentiel du typhon Fanfone prévu en fin de Grand Prix. La probabilité de le voir finalement frapper le lundi matin encourage la direction de course à maintenir le départ à 14h. Mais la pluie est si forte que le départ est indéfiniment reporté avant de convenir d'un départ sous voiture de sécurité à 15h. Pendant ce temps, Roland K explique en commentaire d'une page Facebook que de son temps, Ayrton Senna n'aurait pas eu peur de rouler et que la F1 c'était pour les vrais hommes et pas les ados boutonneux de 17 ans. Bien qu'à faible vitesse, Marcus Ericsson perd le contrôle de sa Caterham à la fin du premier tour. Les commissaires de piste l'aident à repartir alors que Charlie Whiting, directeur de course, invoque le drapeau rouge. 30 minutes plus tard, le troisième tour commence, à nouveau sous voiture de sécurité. Alonso est victime d'une panne électrique et abandonne. La course est lancée au 10e tour alors que Jenson Button et Pastor Maldonado sont les premiers à chausser les pneus intermédiaires. Jenson, you are matching the Mercedes. This pace is good. This is a good move. La majorité du plateau finit par les imiter. Alors que les tours passent et que la piste continue à s'assécher, le DRS est autorisé. Lewis Hamilton démontre un rythme clairement supérieur à Nico Rosberg et, malgré une erreur au premier virage, il finit par rattraper son coéquipier et le dépasser sans difficulté, lui prenant 4 secondes en un seul tour. Au 40e passage, la pluie s'intensifie brutalement. Adrian Sutil crache sa Sauber au virage numéro 6, provoquant un drapeau jaune. Les équipes commencent à prévoir la voiture de sécurité imminente et précipitent leur stratégie. Et toujours ce drapeau jaune, le temps de dégager la voiture d'Adrien Sutil, qui est maintenant suspendu à la grue, mais qui ne recule pas. Oui, il faudrait qu'il se dépêche, hein, parce que même sous drapeau jaune, même au ralenti, c'est un endroit dangereux. Surtout avec la voiture légèrement relevée. C'est, ah oui, si une voiture allait taper à cet endroit-là, hein. Il pourrait la prendre sur le casque, le pilote. La dépanneuse serait-elle en panne ? Un nouveau drapeau jaune apparaît au virage 15, le virage du 130R. La voiture de sécurité sort à nouveau. Le chaos est total en piste. Qui on envoie également la voiture médicale, c'est plus inquiétant. Non mais pourtant il n'a pas tapé très fort. Je me demande si c'est quand même pas la dépanneuse qui a un problème. Que se passe-t-il autour de la voiture d'Adrien Sutil ? Mais on voit le pilote allemand sauf, hors de sa voiture. Une ambulance est sur la piste au virage numéro 15 et on voit les mécaniciens de Jules Bianchi. On attend des nouvelles aussi de Jules Bianchi. On ne nous a pas montré la raison pour laquelle il s'est arrêté. On nous a dit que la voiture de Jules Bianchi était immobilisée au virage numéro 7, alors que l'ambulance est en train d'intervenir au virage numéro 15. On comprend que les deux virages correspondent à la section du circuit qui se rejoint au 46e tour. La pluie est trop forte. La nuit tombe et Charlie Whiting brandit le drapeau rouge et l'interruption définitive de la course. Lewis Hamilton remporte son 30e Grand Prix en Formule 1 et creuse l'écart au championnat. C'est la quatrième fois seulement de la saison que Sébastien Vettel, quadruple champion du monde en titre, monte sur le podium. Jenson Button prend une miraculeuse 5e place pour McLaren, mais l'ambiance est glaçante. Dans la voie des stands, du personnel court dans tous les sens. On cherche à savoir ce qu'il se passe. Ah, tout d'abord, je viens d'apprendre que c'était Jules qui a eu un accident, donc je ne sais pas ce qu'il a, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'on aura des nouvelles assez rapidement. Et l'absence totale de communication rend la situation terrifiante. Le podium est à demi célébré, le comportement des pilotes communiquant clairement un malaise profond. Pendant ce temps, Roland K explique en commentaire d'une page Facebook que la course n'aurait jamais dû avoir lieu. Trying to move the race start time, people failed in 1976 and they still fail today. So it's obviously the pressure from TV and media which doesn't allow that. But I think given the circumstances, race direction did what they could, and to have an accident like that is impossible to predict. For sure, it happened now, and there must be something we learn from that, and so that we avoid something like this happening again. But for now, this is all, you know, not important. We're all thinking about you. Seules quelques photos témoignent de la violence du choc. Sur celle-ci, deux des roues de la monoplace de Jules Bianchi encastrées sous une dépanneuse. Le pilote sera finalement transporté en ambulance à l'hôpital. D'après la Fédération internationale de l'automobile, il est grièvement blessé à la tête. Il a subi une opération. Les 24 prochaines heures seront décisives pour le pilote niçois. Quelques heures après la fin de course, des images amateurs commencent à circuler, prises par un photographe présent au bord de la piste. Elles montrent l'évacuation de la Sauber d'Adrian Sutil. Alors que les commissaires tentent de dégager la voiture accidentée, on voit la Marussia de Jules Bianchi quitter la piste à pleine vitesse et s'encastrer violemment sous la grue de levage. Ces images, non diffusées par les médias officiels, révèlent toute la brutalité de l'accident, plongeant encore davantage le paddock et les fans dans la terreur. Adrian Sutil, assailli de micros et de caméras, partage son témoignage, tentant de dissiper l'incompréhension générale. Après avoir perdu le contrôle de sa Sauber en aquaplaning, il est rapidement sorti de la voiture, laissant les commissaires gérer la situation. Les drapeaux jaunes étaient bien déployés sur les lieux de l'accident et Jules Bianchi, qui se trouvait juste devant Sutil au moment de son accident, ne semblait pas avoir été informé de l'accident et a rencontré le même sort lors de son passage suivant. Le choc fut si violent qu'il souleva la visière du casque de Bianchi. Sutil, témoin direct de la scène, raconte avoir vu l'expression de surprise sur le visage du jeune Niçois avant de le voir progressivement fermer les yeux. Bianchi ne les rouvrit jamais. En tant qu'organisatrice du championnat du monde de la Formule 1, la Fédération internationale de l'automobile commande une enquête dont les résultats seront publiés en décembre. Le rapport se concentre sur plusieurs éléments clés. D'abord, les conditions météorologiques difficiles, en particulier le retour de la pluie qui ont modifié considérablement l'adhérence de la piste, provoquant les aquaplanages de Sutil et Bianchi. It was tricky when the rain picked up on used tires. It was always going to be very, very difficult. Yeah, it is one of the most tricky places. You know, you're still cornering and you're about to pick up speed in these conditions, as I said, with more water. The car is very nervous and very, very easy to do, you know, a mistake. Deux autres éléments importants ont été analysés. La présence de la grue et le fait que Bianchi est sorti de la piste dans une zone où un accident venait d'avoir lieu. La présence de la grue sur la piste était justifiée par la nécessité de retirer la Sauber de Sutil, qui était en cours d'évacuation lorsque Bianchi a perdu le contrôle. L'engin n'était pas sur la piste, il était assez loin même. Il était à quelques dizaines de mètres. Donc on peut envisagée. Si le but est bien de dégager la monoplace de cet endroit-là le plus rapidement possible, moi je veux bien qu'on me dise qu'il fallait autre chose. Bien sûr que l'idéal c'est une grue dans chaque virage, comme à Monaco. Mais là aussi, le parallèle avec Monaco ne peut être fait que par les gens qui ne connaissent pas la course automobile. Mais il y a un autre risque, et tu me vois venir, c'est que certes Jules a tapé à l'arrière de cet engin. Il aurait très bien pu taper à l'avant. Il y avait quoi à l'avant? Il y avait des commissaires en train de guider justement le conducteur de l'engin de levage, et il y avait la monoplace en l'air. Et si Jules avait pris la monoplace dans la tête, on aurait dit quoi? C'est un problème qui est complexe, c'est un problème qui n'est pas évident. Non, je crois qu'il faut travailler en amont, c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire pour réduire la vitesse des monoplaces de manière drastique au moment où on entre dans la zone de drapeau jaune, et ça, on peut peut-être en parler. Alors oui. Néanmoins, la FIA a admis que cette situation n'aurait jamais dû se produire, justifiant ainsi l'introduction rapide de la voiture de sécurité virtuelle dès le Grand Prix suivant, en Russie, pour permettre au directeur de course de suspendre temporairement une course, le temps d'évaluer correctement une situation. Le rapport a relevé que Jules Bianchi n'avait pas suffisamment ralenti dans cette zone, une affirmation qui a fait les gros titres et créé un buzz monumental. Bien que cela soit techniquement correct, de nombreux observateurs ont accusé la FIA de vouloir se laver les mains, pour citer les sages mots du regretté Patrick Tambay à la sortie de ce rapport. Deux autres problèmes majeurs subsistent. D'une part, le règlement ne précise pas à quel point un pilote doit ralentir sous double drapeau jaune, et d'autre part, un problème technique est apparu. En tentant de freiner, Bianchi a activé la procédure fail-safe, un mécanisme qui coupe le moteur lorsqu'on appuie simultanément sur le frein et l'accélérateur dans le but de ralentir la voiture. Mais le système a tardé à s'enclencher. Cependant, il est difficile d'imaginer que, même sans ce problème technique, les choses auraient été différentes. Transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, Jules Bianchi fut plongé dans un coma artificiel. En novembre 2014, il fut rapatrié à Nice pour poursuivre son traitement à l'hôpital universitaire. L'espoir d'une amélioration persista, mais son état resta stable durant plusieurs mois. En juillet 2015, l'inquiétude grandit à nouveau lorsqu'il fut replacé sous assistance respiratoire après une dégradation de son état. Une bataille qui a pris fin. C'est ainsi que la famille de Jules Bianchi a annoncé le décès du pilote de Formule 1 samedi matin. Après 9 mois passés dans le coma, le jeune homme s'est éteint vendredi soir au centre hospitalier universitaire de Nice, à l'âge de 25 ans. Luciano, dit Lucien Bianchi, avait déjà porté le nom de famille au panthéon de la Formule 1 en terminant 3e du Grand Prix de Monaco 1968 au volant d'une Cooper BRM dans un Grand Prix gagné par nul autre que Graham Hill. Né à Milan en 1934, Bianchi courait sous licence belge et avait remporté les 24 heures du Mans avec Pedro Rodriguez chez Ford en 1968. Il perdit la vie un an plus tard sur le même circuit de la Sarthe. Son petit frère Mauro fit carrière en rallye et abandonna sa carrière suite à la mort de Lucien. Lorsque Jules dévoila sa passion pour le karting, son père Philippe n'est pas surpris. La course est dans les gènes de la famille. C'est en 2007 qu'il débute en monoplace et s'illustre en remportant le championnat de France de Formule Renault 2.0 avec 11 podiums en 13 manches. En 2008, il marque à nouveau les esprits en gagnant le prestigieux Grand Prix de Macao et termine 3e du championnat de Formule 3 Euro Series dans une année dominée par Nico Hülkenberg. Puis, ce championnat fut dominé par Bianchi en 2009. Lorsque la Scuderia Ferrari créa la Ferrari Driver Academy en quête de nouveaux talents, Jules Bianchi fut le premier choix de l'équipe et sera rejoint par quelques autres pilotes comme Sergio Pérez ou Lance Stroll. Dès sa première saison dans le grand bain des catégories de promotion en GP2 Series, Bianchi ne ramène que 4 trophées. Mais sa 3e place au championnat, derrière Pastor Maldonado et Pérez, est un nouveau signe encourageant. On a affaire à un pilote sérieux et à un jeune homme qui se fait de nombreux amis grâce à une éthique de travail mature et un calme impressionnant. Une nouvelle 3e place en 2011 lui vaut de décrocher une place de pilote essayeur et de réserve chez Force India pour 2012, et là, les choses deviennent sérieuses. Car non seulement Bianchi prend part à 9 séances d'essai libres durant la saison, ce qui est énorme, mais en plus de cela, l'équipe indienne a prouvé qu'elle était sérieuse dans la promotion de ses 3e pilotes après que Vit Antonio Liuzzi, Paul Di Resta et Nico Hülkenberg aient tous été promus. Alors que Ferrari continue à le faire rouler en essai Pirelli et à le former au simulateur, Le baquet de 2013 chez Force India lui semble promis, mais l'expérience et le gros sponsor d'Adrian Sutil lui chopent la place au dernier moment. Quelques mois plus tard, c'est grâce au départ des sponsors de Luis Razia que Ferrari convainc Marussia de lui donner une place 2 semaines avant le début de saison. Malgré un terrible manque de préparation, il devance son coéquipier Max Chilton de 8 dixièmes pour sa première qualification et mène une course remarquée par de nombreux observateurs en battant son coéquipier et les deux Caterham Renault en terminant 15e. Bianchi pilote admirablement, commet très peu d'erreurs et permet à son équipe de terminer devant les Caterham au championnat des constructeurs. Ce boost financier sauve partiellement l'équipe qui bénéficie de moteurs Ferrari pour 2014, le constructeur italien comprenant l'importance de soutenir ce protégé. Le manque de performance de Marussia est frustrant et des négociations avec Sauber, autre partenaire de Ferrari, commencent. Car la situation de Marussia est critique, l'équipe survivant en permanence est encore marquée par la tragédie de Maria de Villota en 2012. L'Espagnol, pilote d'essai de l'équipe, fut victime d'un accident dès sa première sortie en Formule 1, s'encastrant dans la rampe arrière d'un camion. Après des mois de convalescence, De Villota est revenu avec un œil en moins. Sa mort en octobre 2013 est attribuée à des causes naturelles, mais il est difficile de ne pas y voir des séquelles neurologiques. En parallèle, Bianchi continue de propager le virus familial de la course automobile. Bien que ce ne soit pas directement dans la lignée du sang, Jules est le parrain du jeune Charles Leclerc, le fils du meilleur ami de son père. En 2011, Hervé Leclerc devait envisager de briser le rêve de son fils, car les coûts engendrés par le karting devenaient insoutenables. Mais Jules décida de présenter Charles à Nicolas Todd, son manager. Todd, attendri par cette attention fraternelle, mais surtout curieux de voir le monégasque en action, accepta de le prendre sous son aile. Je pense que ça va être une très bonne saison pour lui, il va falloir qu'il travaille, mais j'ai entendu qu'il faisait des meilleurs essais déjà, même qu'il faut qu'il continue comme ça. Et puis j'espère qu'il va arriver à gagner le championnat en Alpes, parce que c'est clairement l'objectif. Deux événements marquent l'apogée de Jules Bianchi jusqu'alors. Naturellement, sa 9e place, pleine de panache à Monaco, profitant d'un Grand Prix chaotique pour obtenir les seuls points de l'histoire de l'équipe. La seconde, des essais d'intersaison à Silverstone avec Ferrari. Bianchi avait déjà fait des tests avec Ferrari, mais il s'agissait alors de tests jeunes pilotes où les titulaires ne pouvaient pas rouler. Mais lors de ces 2 journées d'essais, ce n'était ni Fernando Alonso ni Kimi Raikkonen que Ferrari voulait voir rouler, mais bien Jules Bianchi. Vettel roulait pour Red Bull, Hamilton pour Mercedes, Bottas pour Williams, Magnussen pour McLaren, Bianchi pour Ferrari. Cet aveu de confiance envoyait un message clair et le voir mener les 2 journées avec le plus grand nombre de tours, bien qu'il s'agissait d'essais, fut clairement remarqué. 2.5 minutes, maybe, to draw your car. Jules Bianchi, please would you draw your Marussia? Okay, I'll try. All right. Just do something like this. Are you riding off a cliff? What's this minute? I don't know what this. A little bit of advice for you. I think stick to driving. Yeah. But I better drive. Better than this. Yeah. Very good. Wow. Thank you very much, Jules. Beautiful. Alors que le monde exprimait désespérément son soutien à Jules Bianchi avec des hashtags Forza Jules ou de simples stickers sur son casque proposés par Jean-Éric Vergne que tous les pilotes portèrent pour le reste de la saison, Marussia rapporta ses 2 voitures au Grand Prix suivant en Russie. Max Chilton en piste et la voiture de Jules Bianchi avec le numéro 17 au garage. Ce sera la dernière fois qu'une voiture portant le numéro 17 sera engagée. La FIA retira ce numéro en hommage à Bianchi. Ce sera aussi les derniers Grands Prix de Marussia, l'équipe passant en administration fiscale peu après cette épreuve et se faisant racheter par Manor à partir de 2015. Le 5 octobre 2014, Charles Leclerc termine premier et deuxième de la Formule Renault 2.0 Alpes Series à Jerez. Cela lui vaut non seulement le titre, mais en plus de cela, il termine deuxième du championnat général, prouvant que ses années d'investissement valaient réellement la peine. Mais il n'est pas accueilli par des célébrations. Il est arrivé quelque chose à Jules lors du Grand Prix au Japon. Charles Leclerc rejoint la Ferrari Driver Academy au début de la saison 2016. Comme s'il prenait le relais, c'est avec Sauber qu'il fait ses débuts en 2018 avant de rejoindre la Scuderia Ferrari. Dès sa première saison, Leclerc devient le premier pilote à voir son halo endommagé. Cet appendice, dont le développement remonte à 2009 avec la mort de Henri Surtees et l'accident de Felipe Massa, avait été relancé suite au drame de Suzuka. Jules Bianchi fut le premier pilote à perdre la vie en Grand Prix depuis Ayrton Senna 20 ans plus tôt. 10 ans après que toute la poussière soulevée par la tragédie du 5 octobre 2014 soit retombée, un seul bilan peut en être tiré. Jules Bianchi n'est plus là. Et bien que le sport automobile soit beaucoup plus sûr qu'il ne l'a jamais été, il restera à jamais dangereux. J'ai découvert la F1 à 6 ans après la mort de Senna. J'ai entendu et lu tant de témoignages de personnes se rappelant exactement où elles étaient et ce qu'elles faisaient ce jour-là, mais ça me semblait faire partie d'un autre temps. Je pouvais pas croire au danger de la Formule 1, surtout après avoir vu certains des accidents les plus spectaculaires se solder par des pilotes mécontents envers celui avec lequel ils s'étaient crashés. Le 5 octobre 2014, j'étais dans mon lit, à moitié somnolent à cause du réveil matinal imposé par le décalage horaire et les incessantes interruptions de course, lorsque j'entendais des commentateurs perdus devant leurs écrans, incapables d'expliquer ce qu'il se passait. Alors que la réalisation télévisuelle se précipitait dans les stands, montrant un stand Marussia tétanisé par l'absence de radio de Bianchi et du personnel des équipes rivales s'agrippant les uns des autres en quête d'informations rassurantes. Je passais la matinée à rechercher les sites d'actualité pour trouver toute nouvelle, quelle qu'elle soit, avant de voir cette vidéo glaçante de l'accident. Le 17 juillet 2015, je travaillais en tant qu'animateur radio et alors que je scrollais sur Facebook entre deux musiques et entre deux moments où je devais animer, je pris l'antenne pour annoncer les différents titres entre Yvette Horner et je ne sais plus qui, lorsque mes yeux ont simplement lu « Jules Bianchi nous a quittés ». Je n'étais plus capable de parler et simplement enchaîné la musique suivante. J'ignore l'impact que le nom de Jules Bianchi peut évoquer pour les fans qui sont arrivés 6 ou 7 ans après ce terrible jour, mais je sais que, comme de nombreux autres, c'est avec une déchirante tendresse que je repense à ce jeune homme, jadis mon aîné, aujourd'hui mon cadet. Je ne suis pas friand d'Uchronie et je ne veux pas me prêter au morbide jeu du « what if », du « et si », mais ce qui est certain, c'est qu'il aurait eu de plus en plus de fans et naturellement de plus en plus de critiques et de « haters ». Et qu'il n'aurait jamais eu besoin d'ajouter son nom au livre noir de la Formule 1 pour que l'on se souvienne à jamais de Jules Bianchi.